Carrément. Stario. Chic noé. 700. Putain d'époque de bâtard. C'est 4000 la guitare. Y'en a qui tirent sur la chicha. Y'en a qui te laissent en trottoir. Ça fout le cap dans les dépôts. Ça se fait chlasser dans le couloir. T'arrives en mandat dépôt. C'est même plus toi dans le miroir. Et manque de peau, manque de sous. Pas un manque de soucis. Est-ce qu'il tue pas d'endurci? Je vis ma vie sans raccourci. Et puis ma foi, c'est pas la même que l'imam de Drancy. J'perds mes sens. Dans ce pays d'insensés, ils diront que je suis pas sensible, ils diront que je suis pas français. Moi j'ai ma rage qui vient des tripes, algérien des deux côtés. Si tu m'appelles, c'est ta quota que je te réponds ma beauté. Ils ont des quotas eux pour voir toi si t'es côté pélo. Et faire un deck à tous tes potes parce qu'ils feront part du complot. Moi pour elle où je suis comblé, dès la naissance j'ai pleuré. J'ai vu que la vie c'est pas facile ici, espèce d'enculé. Vas-y, va te faire en coulo, on peut même plus reculer. Je sais pas pourquoi tu me dis le dumb, chez nous le sang il a coulé. Chez nous tu viens avec tes couilles, tu repars et masquindé. Elle a perdu la tête à Bella, à faire la folle jusqu'à Barbella. Il a perdu la tête au pélo, il a mis tout ce qui reste dans le bédo. Elle a perdu la tête à Bella, à faire la folle jusqu'à Barbella. Il a perdu la tête au pélo, il a mis tout ce qui reste dans le bédo. Dans la matrice, je fais du sale, je laisse pas d'indice. Je les baisse tous, c'est trop facile. Yougataga côté indice. Je suis passé par le dispatching pour percer le coffre des maisons disques. Je fais le roro, j'ai fait le platine. J'ai fait percer toute ma team. J'ai percé tous les ghettos de France. J'ai épaulé tous les tollards. C'est moi le ministre de la défense. Minuit, sort la Daytona. Toujours la ferme et en GA. Garde la pêche et mange le nave. Ils auraient voulu être comme nous, mais ils avaient pas la rage qu'on avait. Les obstacles, on les a passés. Les concurrents, on les a froissés. Voilà, puis les causes surpassées. Non, faut pas oublier le passé. Aujourd'hui, ça parle de WAM sur BFM et TF1. Aujourd'hui, ça rêve de Jet. Ouais, nique sa mère la F1, j'ai plus de pitié, ouais, j'ai l'amitié, j'y crois pas trop, squatte pas la rue si t'as pas drôle, tu te feras fumer, gros, c'est pas drôle, le nerf de la guerre, c'est le pétrole, c'est l'oseille et c'est les folles, tu comprends vite que c'est la merde quand ça répond plus au téléphone. Elle a perdu la tête à